Doc. Doc Babylon 69.3 FM, Peace, Love You Mom. Pour ceux qui ne savent pas, Foglia est un excellent, sinon le meilleur journaliste à Montréal, aux côtés de Alain Pinault. Mais quand il s'agit du suicide ou du rap, Foglia est carrément zéro, nul, nil, niet. C'est pourquoi son article sur le suicide n'a pas passé inaperçu dans la communauté. Et ben, cette chanson est pour toi, Foglia, sur 69.3 FM. Malgré tout le respect que t'as, ce coup-là, t'as manqué le bateau. Écoute la toune, ça risque de t'aider. 69.3 FM, Doc Babylon.